Radio Campus Lille, il est midi. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour. Alors, il est midi sur Radio Campus. Ce 15 février 2025 et vous préparez à écouter sur les 106.6 MHz mais aussi sur campuslib.com et DAB+, Angle d'attaque. Donc Angle d'attaque, une émission proposée par les trois comités locaux d'attaque de la métropole lilloise. Attaque A2TAC pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Attaque est une association d'éducation populaire et altermondialiste. Au micro aujourd'hui pour vous servir, Didier, Christian, Morgane, Ludovic et moi-même à la réalisation. Et Christian, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Bonne question, merci Florent, c'était pas prévu que tu me le dises. Eh bien, nous allons parler de migrants et de migration. Un sujet bien actuel, mais qui est passé sous silence aujourd'hui, sauf quand on apprend qu'une barque s'est renversée dans la Manche ou dans la Méditerranée et a fait autant de morts. J'appelle journalisme, disait André Gide, ce qui sera moins intéressant demain qu'aujourd'hui. C'est tout dire. Eh bien, ce dont nous parlons aujourd'hui, ce sera encore demain, et même après-demain, une épouvantable réalité. Au plus près du terrain d'abord, puisque nous allons parler de celles et de ceux qui sont à Calais, de celles et ceux qui s'en préoccupent aussi, de celles et ceux qui les accueillent et qui offrent aux migrants, qui visent l'Angleterre un peu de réconfort le temps d'un week-end. Ça paraît peu, et c'est beaucoup. On va parler donc de migration 59. Et puis, dans un deuxième temps, on ne pourra pas faire l'économie à angle d'attaque d'évoquer la menace que représentent pour les migrants et pour la France, d'ailleurs, les orientations prises par le gouvernement actuel en matière de lutte contre l'immigration, avec à leur tête un tandem maléfique, Retailleau-Darmanin, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Ouvrez le banc. Pour évoquer ces questions graves, il fallait un avis autorisé, quelqu'un de terrain aussi, et c'est Didier qui en a eu l'idée. Oui, enfin, j'ai eu l'idée, quand on pense aux migrations, aux migrants, on pense souvent, enfin localement en tout cas, à Sophie Gigot, qui est notre invitée. Donc elle est philosophe-chercheuse, ou chercheuse-philosophe, je ne sais pas comment on dit. Elle est aussi fondatrice de l'association Migraction, et c'est en tant que telle qu'on l'a invitée. Et c'est une spécialiste des questions de migration. Donc bon, moi je la connais pour avoir elle a été dans notre comité local d'attaque Roubaix-Tourcoing à un moment. On se voit parfois à la FAL de Roubaix, la Fédération des associations laïques. Et voilà, c'est en tant que chercheuse, philosophe et spécialiste des migrations que Sophie est parmi nous. Merci Sophie d'être parmi nous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour et merci de m'avoir invitée. Mais c'était la moindre des choses quand on a abordé le sujet ensemble en préparant notre 13e saison d'ailleurs. Alors, on va parler du contexte de la migration 59. La situation des migrants, peut-être, d'abord. en 1 minute 30. Voilà. Oui, donc c'est le changement dans la continuité. C'est-à-dire que depuis la fin des années 90, avec les premiers Kosovars et Albanais qui sont venus... franchir la frontière franco-britannique, effectivement, il y a toujours des personnes qui souhaitent s'installer au Royaume-Uni. Ça peut nous laisser perplexes quand on voit les grandes déclarations et les orientations qui sont prises par le gouvernement britannique, y compris par les travaillistes. Mais il n'en demeure pas moins que pour l'instant, ça représente une opportunité très importante et une possibilité très attractive pour des personnes qui... sont pour l'essentiel, dans cette situation de transit, des personnes qui aspirent au statut de réfugiés politiques. C'est beaucoup de personnes qui viennent de Syrie, qui viennent d'Afghanistan, qui viennent du Soudan, qui viennent de l'Érythrée, et qui donc aspirent à demander l'asile en Angleterre, malgré ces décisions de ce nouveau gouvernement qui, vous l'avez vu hein, très récemment, propose de refuser systématiquement l'asile aux personnes qui seraient arrivées illégalement sur le territoire britannique. Et donc ça crée ces poches de blocage et d'encampement à toutes les frontières de l'Union européenne et également sur le continent africain, puisqu'il y a une collaboration très étroite depuis la directive de ce qu'on appelle le Facilitator Package, c'est-à-dire cet arsenal législatif qui vise à endiguer à la fois les migrations en provenance du continent africain et de l'Orient, mais également à criminaliser tous les réseaux qui facilitent, entre guillemets, ces routes de la migration. Et donc, il y a des collaborations très étroites. Je pense par exemple au Niger, jusque très récemment, qui permettent déjà d'assigner des personnes dans des situations de blocage, y compris sur le continent africain. On parlera, si vous voulez, de la Libye, qui est malheureusement... dramatiquement ou tragiquement bien connu. Et donc ça, c'est une création sur les 10 dernières années de l'Union européenne qui fait que les personnes en situation de migration se retrouvent dans des conditions très dures de dénuement, mais surtout de très grande violence, et dans cette espèce de violence du blocage, de violence d'un mouvement perpétuel qui se heurte à des frontières qui sont complètement... qui ne sont pas verrouillées du tout, en fait, hein, qui sont des systèmes de filtrage. Et la Libye, l'Albanie, c'est un peu des hotshots. Enfin, on sous-traite un peu, l'Europe sous-traite ses immigrants à d'autres pays, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça obéit à cette logique d'externalisation de la sécurisation des frontières, dont l'exemple peut-être le plus simple est précisément ce qui se passe à Calais depuis les accords du Touquet, c'est-à-dire le fait que la frontière est littéralement déplacée du côté français, la frontière britannique, et ce qui est totalement contraire à la fois à la liberté fondamentale de circulation, mais aussi au droit d'asile, puisque pour pouvoir demander l'asile, encore faut-il pénétrer sur le territoire de l'État dans lequel on veut demander l'asile. Et ça s'est rendu impossible par ces procédures d'externalisation. Oui, où on en est, cette procédure, elle existe toujours, parce qu'il a été question à un moment de l'éliminer, non ? Non, elle existe toujours. Ça veut dire que les personnes qui sont retenues par le système du régime des frontières à Calais, par exemple, n'ont pas la possibilité de déposer une demande d'asile en Angleterre. Il n'y a pas de canal pour pouvoir le faire. On ne peut pas le faire en distanciel, si c'est ça ta question. Il faut absolument... Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Il faut pénétrer sur le territoire d'un État pour faire une demande d'asile, mais on ne peut pas à cause des dispositifs policiers et sécuritaires. En effet. Mais donc, tout ce que tu dis, c'est... Est-ce qu'il y a un cumul actuellement de migrants sur Calais, ou le nombre est constant? On ne sait pas, ça? Si, on sait. Il y a un nombre qui est relativement constant depuis 2020, qui est autour... Parce qu'on a connu ce moment, 2015-2016, où il y a eu... cette construction d'une sorte de ville sous forme de bidonville avec jusqu'à 11 000 personnes qui vivaient dans cet espace à la demande de Natacha Bouchard. Hein. C'était vraiment un geste politique et concentrationnaire, en fait, hein, de concentrer ces personnes dans un lieu quasi semi-fermé, complètement surveillé et en périphérie de la ville. Aujourd'hui, on est plutôt sur 1 500-2 000 personnes qui transitent à Calais avec... des gens qui transitent assez peu, ceux qui vont prendre les small boats directement sur tout le littoral de la côte d'Opale. Donc ceux-là, ils ne restent pas très longtemps. Et ceux qui n'ont pas les moyens de payer ce qu'on appelle les passeurs et qui sont obligés de rester pendant de très longs mois à Calais. Mmh. Et par rapport à Grande-Synthe, par exemple, la situation est meilleure ou il y a des différences de traitement? Je ne pense pas qu'on puisse hiérarchiser le meilleur, le moins bien. Il y a de la répression policière, il y a du dénuement dans les deux cas, et la politique migratoire est exactement la même. D'accord. Oui, donc on parle toujours de jungle, ou moins en tout cas, j'ai l'impression, non? Alors on parle toujours de jungle, qui est ce terme colonial qui permet aussi de projeter toutes ces thèses sur l'ensauvagement, sur la figure migratoire. En connexion avec les termes qu'on utilise aussi pour parler des personnes dans les quartiers populaires. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est toute l'intelligence des personnes en exil qui vont subvertir ce terme. Actuellement, il y a beaucoup de Soudanais à Calais, c'est la principale communauté en transit. Et eux, ils utilisent de manière ironique le terme de l'arabe soudanais de Django. Ce sont les travailleurs agricoles itinérants. Et ils se sont auto-proclamés les Django. Et c'est une manière de se réapproprier et de subvertir ce terme qui est très péjoratif et colonial. Oui, alors, les questions qui se posent aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a vu, mais actuellement, comme on entend moins parler, comme je l'ai dit en introduction, de Calais, est-ce que la police est... Parce qu'on a vu des images dans la Voie du Nord, je me souviens, de policiers un peu goguenards qui regardaient partir les gens en bateau, là. Quelle est l'attitude de la police aujourd'hui ? Alors, parce qu'elle a été extrêmement violente à un moment, ça c'est sûr. Et puis, voilà, j'ai l'impression qu'il y a moins de violence, peut-être, j'en sais rien. Est-ce que la réalité, c'est quoi actuellement ? Alors, moi, je ne parlerai pas de violence policière, au sens où ça n'a rien de singulier, où ce n'est pas un excès de zèle de tel ou tel agent, etc. C'est une violence d'État. Et les policiers, ils font tout simplement ce que le ministère de l'Intérieur leur demande de faire. On est d'accord. Donc, sachant que les compagnies de CRS, elles transitent elles aussi à Calais. Hein, ça change tout le temps, en fait. Il y a des compagnies de Toulouse, il y a des compagnies d'absolument toutes les régions qui viennent sur le terrain. Et donc, ils obéissent à cette logique qui est une logique du zéro migrant. Donc, pour obtenir les effets du zéro migrant, il faut refouler, il faut utiliser des moyens qui sont à la fois disciplinaires et forcément l'usage de la force. Hein, c'est bien à ça que sert la police. Donc, ce qui se passe, c'est à minima des expulsions quasi quotidiennes, ou en tout cas toutes les 48 heures, qui sont une forme de violence pour les personnes concernées, parce qu'il s'agit de se déplacer. Donc, elles sont condamnées à cette espèce de mouvement perpétuel, à ne pas pouvoir avoir de répit. Puis, elles perdent leurs effets personnels. Et puis ensuite, il y a d'autres types de violences dans la manière dont sont conduites certaines opérations policières et qui sont très bien documentées par à la fois les personnes en exil, mais aussi les associations des observateurs des droits, comme Human Rights Observers, qui, quasiment tous les ans, publie un rapport éloquent, repris par actuellement Claire Hédon, défenseuse des droits. Oui, j'allais y venir justement, les différentes associations qui sont autour de Calais. D'abord, donc, tu parles de Human Rights Watch, et puis, il y a aussi d'autres associations. Je cherche le nom, mais je me souviens. L'Auberge des Migrants. Voilà, l'Auberge des Migrants, oui. D'autres encore, non ? Il y a énormément d'associations. Hein. Ouais. D'abord, il y a 80% des associations qui sont britanniques, quand même, il ne faut pas l'oublier, qui sont toutes regroupées, enfin pas toutes, mais une bonne partie, sous l'égide de l'Auberge des Migrants, qui propose un espace qui permet aux associations de collaborer en partageant le même espace. Donc ça, c'est vraiment une dynamique intéressante. Et ça a permis de déplacer vraiment le type de soutien apporté aux personnes en exil, puisque il y a encore 10 ans, on avait un type de soutien qui était globalement humanitaire, donc un soutien qui est quand même tout à fait complice des politiques migratoires et qui participe du régime de contrôle aux frontières. Là, on est sur une implication beaucoup plus forte d'associations qui contestent les politiques migratoires et qui en font les frais, puisque il y a une très forte répression qui usent les bénévoles et les volontaires des associations sur place. Je pense à cette époque pas si lointaine où on verbalisait les bénévoles de Salam qui distribuaient des petits déjeuners, etc. Donc voilà, ça continue, mais le tissu des soutiens est quand même très très important. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait conscientisés et qui aujourd'hui ont abandonné le discours que moi j'entendais encore il y a quelques années. On fait pas de politique, on fait de l'humanitaire. C'est-à-dire que les soutiens se sont politisés parce que la frontière est un espace extrêmement politisé et donc on ne peut pas s'en abstraire. C'est absolument pas possible, à moins d'observer une sorte de complicité tacite. Oui, c'est important ce que tu dis, effectivement, sur cet aspect de neutralité des associations. Effectivement, on ne peut pas être neutre sur un problème de cette dimension. Alors, on a parlé de quelques associations, on a parlé de la tienne, alors, du coup. Oui, Migration 59, c'est un collectif qu'on a fondé en s'inspirant de ce qui se passait en Belgique à l'époque. Donc le bidonville de Calais venait d'être détruit par Manuel Valls et ministère de l'Intérieur. Et on attendait de voir en fait les solutions qui allaient être mises en place par l'État. Et en fait, ça a été cette dispersion des personnes dans des centres d'accueil et d'orientation un peu partout en France, dont on s'est vite rendu compte, les personnes concernées les premières, que c'était des structures de filtrage qui visaient essentiellement à fabriquer de l'expulsion. Et donc, beaucoup de personnes sont revenues à Calais, sont sorties de ces centres et sont revenues. parce que leur projet était évidemment pas un retour au pays. Et donc, rien n'était fait pour ces personnes qui étaient dans un état de dénuement encore pire, finalement, qu'avant le bidonville. Parce que le bidonville était certes une architecture de fortune, mais c'était une architecture quand même. Mmh. Et là, les personnes se retrouvaient vraiment dans la forêt. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait, parce que c'est toujours l'idée de faire ce qu'on peut. Il n'y a rien de pire que... de ne pas faire ce qu'on peut faire, hein, disait Kropotkin. Mais au moins, les petites choses qu'on peut faire, on peut les mettre en œuvre. Et donc, accueillir des personnes pour leur fournir un petit peu de répit un week-end, ça, beaucoup de gens le peuvent. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens le peuvent. Parce qu'ils le peuvent matériellement. Ils ont un canapé, ils ont une chambre d'amis. Parce qu'un week-end par mois, ça reste possible, même dans nos vies très chargées. Et on a commencé, c'était un groupe d'amis, et puis les amis des amis. Et on est devenu un collectif de plusieurs centaines de personnes qui se relaient pour apporter ce répit. Et bien sûr, je le dis toujours, on n'est jamais en nombre suffisant pour pouvoir affronter les demandes des personnes sur place. Donc c'est donc un appel très clair. Absolument. À des hébergeurs, à des chauffeurs. Puisque les hébergeurs, ils sont sur tout le Nord-Pas-de-Calais, de Montreuil-sur-Mer jusqu'à Valenciennes, en passant par Arras, les Flandres, etc. La métropole lilloise, bien sûr. Et donc, c'est moins loin que la Palestine. Et de manière très immédiate, on peut faire quelque chose. Et ça a une efficace qu'on voit tout de suite, parce que voilà, c'est... On a un retour très très rapide sur ce qu'on peut apporter à des personnes en étant un peu une étape, un refuge sur leur parcours et leur itinéraire. Alors justement, explique-nous concrètement, si tu veux bien, comment ça se passe à partir de Calais jusqu'à la métropole lilloise par exemple, puisqu'on y est, et puis le retour. Oui, donc on est un collectif citoyen. Donc chacun contribue à sa mesure dans le collectif et on a une petite équipe qui fait l'interface, qui donne rendez-vous aux chauffeurs qui sont disponibles tous les samedis matins à Calais. Et cette équipe de chauffeurs, donc c'est le samedi où chacun est disponible, va conduire les personnes qui vont bénéficier d'un répit dans des familles volontaires. Et ces familles vont les accueillir jusqu'au lundi. On prend toujours les personnes au minimum par deux, parce que c'est toujours très stressant pour les personnes en exil d'arriver comme ça chez des inconnus. Ça les rassure d'être au moins à deux avec un ami. Et puis ensuite, ça leur permet de dormir dans un lit, puisque beaucoup disent que depuis qu'ils sont partis du pays, ils n'ont pas dormi dans un lit, de laver leurs vêtements, de se laver, puisqu'il n'y a toujours pas d'installation sanitaire à Calais. De partager un moment qui les raccroche à ce que c'est que l'éthique de la vie normale, en fait, dont ils sont malheureusement privés. Donc c'est très rassurant pour eux de pouvoir vivre ce moment-là. Et puis, ils bénéficient du Wi-Fi pour pouvoir contacter la famille éventuellement restée au pays, s'ils ont encore de la famille là-bas. Et le lundi matin, il y a d'autres chauffeurs qui les ramènent à Calais. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites ce genre de pratique, vous n'êtes justement pas dans une relation asymétrique avec un aidant et un aidé. Là, techniquement, le dimanche matin, quand tout le monde est en pyjama autour de la table du petit déjeuner, on est avec des invités et on fait famille d'une certaine manière. Et donc, ça, on est plus dans la co-construction d'un projet de société. D'accord. Que dans une relation qui serait celle de nous, gentils philanthropes, aider ces pauvres victimes des politiques migratoires. Il n'y a pas de rapport en surplomb, quoi. C'est juste... Voilà, c'est ça l'idée. Alors de fait, matériellement, il y a un rapport de surplomb inévitable, mais on essaye de le réduire au maximum. D'accord. Alors, question bête, c'est autorisé donc l'accueil, parce qu'on a eu quelques avatars avec un ministre de l'Intérieur, je me souviens, pour les gens qui habitent Briançon, je me souviens. Avec Cédric Héron. Oui, y a eu ces fameux procès, alors toujours surmédiatisés, de procès des solidarités, comme on dit. N'en déplaise à un ministre de l'Intérieur qui effectivement est très gêné aux entournures par l'état de droit, oui, effectivement, c'est autorisé. C'est-à-dire que l'aide au séjour irrégulier, elle est autorisée à des fins d'aide aux personnes qui vivent dans des conditions indignes, en fait. C'est-à-dire à partir du moment où vous proposez ce que le CESEDA, le code de l'étranger, des étrangers, appelle des prestations d'hébergement, de restauration, de circulation dans les limites du territoire, il ne faut pas franchir de frontières, à des personnes qui sont dans le dénuement, c'est effectivement autorisé. Mais le problème, c'est que l'état de droit, il faut le faire vivre. c'est pas un acquis éternel. Oui. Et donc, les droits dont on ne se saisit pas et qu'on ne met pas en œuvre, ben, c'est des droits qui sont très fragilisés. Donc moi, j'encourage tout le monde à le faire tant que c'est encore possible, parce que si on ne le fait pas, ben, peut-être qu'un jour, ce ne sera plus possible, effectivement. Alors, pour les accueillants, je suis un peu dans le désordre. Pour les accueillants, j'ai trouvé qu'il y avait une fiche d'accueil qui est assez, assez marrante, d'ailleurs, où il expliquait comment on fait en France pour aller à la toilette, pour se laver, pour d'autres choses, ce qui est interdit de fumer ou des choses comme ça dans la maison, avec les moyens du bord, c'est-à-dire une machine à laver, ce qu'on peut faire. Voilà, j'ai trouvé ça extrêmement sympa et très concret, en fait. C'est bien d'avoir travaillé des choses comme ça, parce que c'est pas immédiat non plus d'accueillir des gens qui sont d'abord dans le dénuement, on est bien d'accord, mais qui n'ont pas une culture du confort. La langue, bien sûr. C'est en anglais et en arabe et en français. L'accueil, c'est une pratique, donc forcément, quand on concrétise son accueil, on rentre dans des détails très pratiques. Mmh. Et en fait, l'intérêt du collectif, c'est que vous êtes accompagné pour accueillir, évidemment, pour les premiers accueils, et puis ensuite, également, si vous le souhaitez. Et moi, je dis toujours, le nécessaire pour se lancer dans un accueil, c'est d'avoir une machine à laver, le wifi et un pot de piment. Et ensuite, on peut bricoler. Un pot de piment. Ben oui. Et après, les personnes accueillies sont extrêmement diverses. Il y a des gens qui sont des citadins, il y a des gens qui sont ultra diplômés, il y a des jeunes qui viennent de régions très rurales et isolées, qui effectivement savent pas forcément servir d'une salle de bain ultra moderne. Mmh. C'est très très très hétérogène, comme on peut s'imaginer quand on reçoit des personnes qui viennent d'un pays aussi énorme que le Soudan. Donc et puis avec des âges très différents aussi. Donc voilà, ça permet de faciliter un petit peu l'accueil. Et puis ensuite, on a chacun nos trucs qu'on aime bien échanger, notamment pour briser la glace, pour surmonter la barrière de la langue quand il y en a une. Mmh. Chacun a ses petits tuyaux, ses petites manières de faire. Donc c'est pour ça qu'on échange beaucoup aussi dans le collectif. On a besoin de se retrouver pour évoquer tout ça. Et puis... Je pense aussi que ces temps, ils permettent de diffuser ce qu'on appelle, nous, l'éthique de l'accueil. C'est-à-dire qu'on a une manière d'accueillir qui est décoloniale, qui est très attentive au fait d'éviter, comme tu disais, une position de surplomb. On n'est pas là pour soumettre les personnes qu'on accueille à un interrogatoire sur ce qu'ils ont vécu en Libye, etc., etc. Donc, ça fait partie aussi de la formation, l'auto-formation au sein du collectif pour ne pas réactiver des prismes qui seraient des prismes coloniaux ou ce qu'on appelle le privilège blanc et cela avec une innocence, bien sûr, totale. Mais il faut être vraiment conscient de tout ça. D'accord. Alors, dernier point peut-être, on peut accueillir des gens, on peut les conduire, mais aussi on peut verser un peu d'argent à l'association, j'ai vu. Oui, alors on ne verse pas d'argent directement aux personnes, ça fait partie de l'éthique du collectif. Mais par contre, le collectif a une cagnotte qui a besoin d'être abondée parce que ça nous permet d'acheter de la nourriture pour l'hébergement collectif qu'on met en œuvre aussi une fois par mois. Et puis ça nous permet surtout d'acheter des baskets. Ça fait partie des choses dont les personnes en exil ont beaucoup, beaucoup besoin, étant donné les kilomètres qu'ils font sous la pluie. Donc on a besoin tout le temps de chaussures, des chaussettes, des vêtements pour le froid quand c'est l'hiver, ou des téléphones portables, puisque dans le type de violence qu'on évoquait tout à l'heure à la frontière, il y a la casse délibérée des téléphones portables. Et donc on a très souvent besoin aussi de renouveler un petit peu les stocks pour que les personnes puissent... conserver ce lien avec leur famille, la possibilité d'avoir un GPS pour s'orienter, etc., etc. Et donc là, on s'adresse à Migration directement. C'est ça. De toute façon, on a un groupe Facebook et un site, un blog, qui permet de nous contacter très facilement et une adresse mail www.migration59@hotmail.com. Entendu. Didier, un mot peut-être sur l'île aussi. Sur les mineurs non accompagnés. Ouais. Donc bon, la définition du mineur non accompagné, c'est un enfant étranger donc présent sur les territoires français, sans être accompagné, comme son nom l'indique, d'un parent titulaire légal. Donc bon, ça pose le problème de sa mise à l'abri, de l'évaluation, de l'orientation, tout ça qui est prévu. Mais je voulais surtout faire référence à une lutte qui s'est produite dans le quartier des Bois Blancs à Lille, Il y a un petit article de la lettre de la LDH qui explique un peu ce qui s'est passé. Donc, il y avait quand même une soixantaine, enfin, jusqu'à 120 mineurs non accompagnés, donc, qui ont été hébergés dans un espèce de camping sur une propriété qui s'appelle Les Vachers. Donc, il y a eu aussi des hébergements des riverains qui ont hébergé. Bon, il y a eu tout un des associations du quartier, des bistrots comme le Toc Ici, l'épicerie solidaire de Rabia, la Dole, le jardin des passereaux, la maison paroissiale de ou le Grand Bleu, qui ont ouvert leurs portes à un moment pour essayer de les soulager, de les secourir. Donc il y a eu deux manifestations, une devant la préfecture, c'était le 16 octobre, et une manifestation un peu plus importante le 14 novembre, donc avec une réunion qui a débouché sur une réunion à la Bourse du Travail, avec donc ces mineurs non accompagnés. Voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il en est maintenant, comment a évolué la situation ? Bah, d'abord, c'est un problème qui n'a rien d'inédit, qui est en fait structurel. Ça fait plus de 10 ans hein, qu'il y a ce cas des mineurs non accompagnés qui sont en transit et à la rue dans la métropole lilloise. Avant, c'était le collectif des Aulieux parce qu'ils étaient près du square des Aulieux. Maintenant, c'est une autre promotion, si je puis dire, qui se retrouve à Bois-Blanc. Et il y en aura une autre après. Enfin, voilà, c'est structurel. Donc, c'est là que c'est embêtant, en fait, parce que si les pouvoirs publics n'interviennent pas, ben, on bricole, hein, comme le font le collectif qui s'est déployé en solidarité à partir de l'action de riverains et d'autres personnes aux alentours du campement, avec l'aide des paroisses aussi, qui ont beaucoup mis à l'abri ces personnes. Parce qu'il y a quand même un devoir de mise à l'abri. Ben, en particulier vis-à-vis des mineurs, qui ne sont pas en situation d'illégalité sur quelque territoire que ce soit. Donc là, s'il n'y a pas de réponse des pouvoirs publics, ces campements, ils vont se succéder dans les années qui viennent, à chaque fois qu'il y aura un nouvel afflux de jeunes qui viendra, etc. Et puis, non seulement ces personnes n'ont toujours pas de situation stable du point de vue de leur hébergement, mais en plus, on voit bien la stratégie qui consiste à laisser pourrir jusqu'à ce qu'elle soit majeure et que l'État puisse se désengager de toute prise en charge. Et là, un nouvel afflux de mineurs réactivera le problème et puis c'est comme ça ad vitam aeternam. Donc voilà, c'est un petit peu dommage que malgré toutes les interpellations qui ont été faites par les collectifs sur la friche de Bois-Blanc, il n'y ait pas eu de réponse, que ce soit au niveau de la ville, de la MEL ou autre. Est-ce que ce problème, il est destiné à s'inscrire dans la durée? Et de toute façon, une dizaine d'années, c'est déjà une certaine durée. Qui se défausse, les villes, qui se défausse sur le département ou l'État, de toute façon. On va dire que nous ne sommes pas responsables. C'est pareil. À Paris, on a entendu ce matin qu'au Théâtre de la Gaîté, les jeunes ont été expulsés. Est-ce que je te demandais hors antenne l'histoire des tests osseux? Parce qu'à un moment, ça a fait grand bruit, ça. Ça existe toujours ou c'est Il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en œuvre pour refuser de reconnaître la minorité à ces personnes, ce qui permet de régler plus rapidement le problème. Ouais. Et donc, on peut le faire par des tests osseux. Dont, là, c'est vraiment la France est une exception dans l'utilisation de ce type de test dont les résultats sont éminemment contestés. Ouais. Et puis, il y a aussi le fait du prince, hein, l'arbitraire préfectoral, puisque beaucoup de ces jeunes reçoivent tout simplement un courrier de la préfecture qui dit que, compte tenu de l'autonomie dont ils ont preuve pour venir tout seuls jusqu'ici en Europe, ils ne correspondent pas à l'espèce de vulnérabilité. Ils ne jouissent pas du privilège de la vulnérabilité, finalement, qu'on accorderait à des mineurs. Donc, c'est aussi d'un cynisme dont je vous laisse juger. Monstrueux. On va parler, donc, on va revenir un peu plus généralement sur... on en a déjà parlé, d'ailleurs, du gouvernement actuel, qui est une menace, évidemment, pour l'immigration. Et on a un Premier ministre qui vient de découvrir de la submersion migratoire, expression qu'il a empruntée d'ailleurs à M. Bardella. Oui, il a dit, on peut reprendre les termes, les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'ils ne dépassent pas une proportion, mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, dès cet instant-là, vous avez rejet. Bon, vous avez remarqué, je l'ai fait sans le bégaiement de notre Premier ministre préféré. C'est pas bien ce que tu dis. Oui, bon, on peut dire pire. Hein. Oui. Voilà, qui est des propos qu'il a tenus sur le plateau de LCI et qu'il a confirmé après devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat. Alors bon, il parle de rejet, mais sans source en fait. Pas de remise en question non plus des dispositifs médiatiques. Et on a par exemple, pour le coup, l'Institut Jean Jaurès, donc qui demande des sondages régulièrement en fait, notamment sur la question. Enfin, il pose la question aux Français. Est-ce que vous vous sentez chez vous comme avant? La question qui a été posée là récemment et jusque qui est posée chaque année depuis 2013 et peut-être même avant. Et en fait, il arrive une proportion, effectivement, plus de 60% des Français qui se sentent pas chez eux comme avant, mais c'est un chiffre qui reste stable sur la dernière dizaine d'années, en fait. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à dire de particulier là-dessus ? Quelques commentaires, oui, en effet. Oui, ben, deux commentaires. D'abord, j'avoue que je trouve assez obscène le choix du terme « submersion » à titre métaphorique, ouais, pour parler de personnes dont certaines sont réellement submergées en Méditerranée et y laissent la vie. Et deuxièmement, bah c'est toute l'ambiguïté de ces politiques qui s'indexent sur un sentiment. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait une politique par rapport à une réalité ou est-ce qu'on fait une politique par rapport au sentiment, fût-elle complètement fantasmatique, d'une partie de la population, même si c'est 60%. Et là, on peut renvoyer n'importe qui, hein, la lecture de l'excellent travail de démographe de quelqu'un comme François Héran du Collège de France qui documente, il n'est pas le seul évidemment, les chiffres de la migration. Et là, on se rend compte qu'entre le fantasme et la réalité, il y a une énorme marge et qu'en réalité, il faudrait beaucoup plus d'immigration si on voulait ne serait-ce que pallier le déficit démographique et, bien sûr, au niveau de l'Union européenne et de la France. Oui, d'ailleurs, tu fais bien de noter le mot de submersion là, par rapport à l'eau en fait, dans laquelle les gens meurent en Méditerranée ou dans la Manche. C'est effectivement tout à fait obscène. Ce qui pose problème, c'est que les chiffres marquent qu'il n'y a pas vraiment une augmentation de d'entrée illégale dans le pays, déjà. Et puis que s'il y a une augmentation, enfin si la proportion est le plus important, ce sont les étudiants et les travailleurs saisonniers, apparemment, selon les statistiques que j'ai pu lire. Et donc, ce n'est pas des gens qui vont rester, en plus. Mais en même temps, sur les soucis, les problèmes des Français, la question de migration vient en 13e position par rapport. Loin derrière donc le chômage, loin derrière la malvie, la malbouffe, etc. Le pouvoir d'achat, c'est la première préoccupation en fait. Oui, le pouvoir d'achat étant la première préoccupation, effectivement. C'est à cause des immigrés le pouvoir d'achat. Oui. C'est ça, c'est la migrationnisation de n'importe quel sujet social. Alors, la question aussi se pose. Il faut que je reprenne mes notes, du ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Puisque vous vous souvenez sans doute que fin 2023, le Sénat a proposé une loi sur l'immigration à 40% de son texte qui a été refusé par le Conseil constitutionnel. Tu peux expliquer ou tu peux développer là-dessus ou je continue si tu veux. Ben continue, mais c'est ouais. Oui, beaucoup de directives notamment qui touchaient ouais. À l'idée de préférence nationale, c'est ce genre de choses. Donc effectivement, les juges ont retoqué 35 articles quand même et on avait utilisé beaucoup, et c'est bien le genre qu'on peut craindre, ce qu'on appelle les cavaliers législatifs. Alors, un cavalier législatif, je ne savais pas ce que c'était, mais c'est bien, j'ai regardé, ça pouvait être. C'est une disposition qui n'a rien à voir avec le sujet traité, en fait. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des allocations familiales, ce n'est pas un rapport avec l'immigration. Et ça, c'est un véritable problème. C'est une niche parlementaire aussi. Hein. Pardon ? C'est une niche parlementaire aussi. D'accord. Donc, ce cavalier législatif, c'est ça qui a été surtout retoqué, puisque les propositions par le Sénat ont été faites dans l'esprit de réduire les APL, de réduire les prestations sociales, les allocations familiales, etc. On y reviendra sans doute. Et donc, bien sûr, l'AME a été visée, l'aide médicale d'État. Médicale d'État, merci. Et donc, tout ça, à l'origine de tout ça, eh bien, c'est quand même notre actuel ministre de l'Intérieur. De l'Intérieur, je dis bien. On peut les confondre, effectivement. Mais oui, non, non, mais c'est, oui, en plus c'est rigolo parce que c'est Darmanin qui était content que cette loi soit retoquée. Mmh. Non, ce qui est complètement cinglé, ce qui est très significatif et pas cinglé, c'est que à la fois Barnier et à la fois Bayrou prennent justement le Retailleau comme ministre aujourd'hui de l'Intérieur. Mmh. Et ça montre bien dans quel esprit est le gouvernement aujourd'hui. D'un point de vue politique et sur les questions d'immigration. Et puis même sur la question de l'AME, on a y compris des parlementaires de droite, bon là pour le coup, médecins de formation, qui disent bah, « j'ai quelqu'un qui arrive, quelle jambe cassée, qu'est-ce que je fais, je le laisse partir ». Ou même, l'AME, c'est pas seulement du bon sentiment ou de l'humanitaire, c'est aussi une question de santé publique. Quoi. Quelqu'un qui arrive avec la tuberculose, bah, qu'est-ce qu'on fait? Ça peut aussi éviter la propagation de maladies, d'épidémies. Il y a une forme de pragmatisme, sans parler effectivement de considérations éthiques, mais humanistes. Mais effectivement, on peut tout à fait, d'un point de vue de la santé publique. Donc c'est doublement scandaleux. C'est à la fois scandaleux sur le plan moral et en même temps c'est inepte sur le plan sanitaire. Quoi. Pour revenir aux migrants de Calais, ils sont complètement hors-jeu par rapport à ces dispositions, comme l'AME, qui, de toute façon, l'AME touche très peu de gens. Voilà, c'est ce que j'allais dire, en fait. C'est une manière, toujours pour ces pouvoirs fascisants, de cristalliser le débat sur des choses très marginales, finalement, puisque l'AME, même les gens qui y ont droit... C'est extrêmement compliqué. C'est un parcours du combattant pour y accéder en pratique. Et donc la plupart des ayants droit n'y ont de toute façon déjà pas accès. Donc faire croire qu'il y a là une espèce de grand sujet de dépenses qu'il faudrait restreindre pour préserver, pour limiter la dette publique ou je ne sais quoi encore, et encore une fois un subterfuge complet. Oui, en effet. Donc, dans les conditions, je crois qu'il faut avoir 3 mois de présence sur le sol français. Déjà, il faut pouvoir le prouver, ça. Et puis, il faut un revenu. Il faut un revenu qui est de 10 000 euros par an, c'est-à-dire, en fait, 857, je n'ai plus exactement les chiffres en tête, 857 euros par mois. Et donc, ça, c'est dans ces conditions-là, on peut recevoir l'AME. Et donc, pour répondre à la question... à ce que soulevait Morgane, le même projet du Sénat, c'était l'AMU, l'aide médicale d'urgence pour une jambe cassée, par exemple, donc remplacer l'un par l'autre. C'était vraiment très très positif tout ça. Voilà, donc nous, on a de quoi être inquiet aussi par un ministre qui commence par dire, je crois que c'est sa première déclaration que j'ai entendue en tout cas, l'état de droit n'est ni intangible ni sacré. Ouais, Bruno Retailleau encore. Je sais bien que c'est lui. Ça le mérite d'être clair. Je ne sais pas ce que tu en penses, parce que c'est sidérant. Quoi. On utilise beaucoup le mot sidération, mais là, un ministre... un féministe d'État, donc, quel que soit le ministre, d'ailleurs, on s'en fout, ce genre de phrase fait froid dans le dos. Oui, mais ce qui est grave, c'est que finalement, ça passe. C'est quand même incroyable que quelqu'un qui est supposé garantir, particulier ministre de l'Intérieur, le respect de la loi, donc de l'état de droit, de la Constitution, puisse avoir ce type de déclaration. C'est anti-républicain, c'est anti-démocrate, c'est dangereux. Et là encore, on voit jusqu'à quel niveau la fascisation du pouvoir s'opère. C'est effectivement inquiétant. Il n'y a eu aucun recadrage, en tout cas rien qui ne soit que du symbolique. Et ça n'a pas jeté les gens dans la rue. Il n'y a pas eu des millions de manifestants pour protester face à ce qui est plus qu'un dérapage. Puisqu'en plus, c'est pas juste un dérapage. Il l'a redit plusieurs fois. Le cas de l'influenceur algérien à qui il a voulu, dont il a voulu procéder à l'expulsion jusqu'à ce qu'un magistrat lui rappelle que dans la loi, en fait, on distribue pas des OQTF comme des bonbons, hein, ça marche pas comme ça. Bon, qu'un ministre de l'Intérieur se fasse rappeler à l'ordre par un magistrat, rappeler à la loi, c'est quand même bon. Inquiétant, effectivement. Une loi qu'il avait votée, d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Retoquée. Ça a été rappelé par un auditeur de France Inter, magistrat à Melun, je crois. Exactement. Exactement. Ça serait peut-être bien d'en venir au droit du sol, au droit du sang. Je ne sais pas si Ludovic... Oui, donc effectivement, après l'adoption d'une proposition de loi donc restreignant le droit du sol à Mayotte, Darmanin a renchéri et donc se dit favorable à un débat sur la question à l'échelle nationale. Il a dit sur BFM, je cite, « Être français, ça ne peut pas être automatique », ce qui est faux, parce que on va en parler, et de rajouter « Il faut qu'un enfant né en France de parents nés à l'étranger puisse exprimer, je cite, une volonté pour devenir français. La nation n'existe que par le consentement des gens qui la composent. » Donc Darmanin donc, se prononce donc pour l'abrogation pure et simple du droit du sol à Mayotte et renchérit sans doute avec des considérations électorales avec l'idée de dire qu'il faut un débat public sur une éventuelle réforme de la Constitution donc pour revoir ce droit du sol. Alors en 1673, donc Louis XIV décide que les enfants nés en France de parents étrangers seront désormais considérés comme français. 352 ans plus tard, ce droit est remis en cause donc, par une partie de la droite et de l'extrême droite. C'est le vieux fond de cuve de l'extrême droite que réactive ici Darmanin et son comparse Retailleau. En effet, après 1889, quand les enfants nés en France deviennent français, l'Action française de Charles Maurras crie au grand remplacement par, je cite, les métèques. À l'époque, on parlait de métèques et propose la suppression du droit du sol. Mais dans les faits, le droit du sol va être un facteur d'intégration de tous ces enfants l'immigration qui vont devenir français et qui vont aussi donner des enfants, des soldats, des travailleurs à la France. Et ce droit du sol va être un pilier républicain à tel point même que le régime de Vichy ne va pas le supprimer. Donc, en quelque sorte, Darmanin et Retailleau en sont arrivés à remettre un pilier fondamental. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur le droit du sol, sachant qu'il n'est pas automatique, notamment aux États-Unis. Voilà, est-ce que tu peux, une fois que tu auras terminé ta... Excusez-moi. Oui. C'est Darmanin mais ce qui est intéressant, oui, c'est ça, c'est l'allergie à Retailleau, Darmanin, tout ça, c'est trop. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que le cas des Outre-mer, et notamment de Mayotte, pardon, c'est le révélateur de la politique migratoire. Pardon, j'y laisse la voix. Une page de publicité. Voilà. Donc là, on voit à quel point c'est racialisé, on voit à quel point c'est colonial, parce que quand ça touche Mayotte, ça devient possible, oui. Mais en réalité, c'est en cohérence avec le reste. Désolé. Ça vous laisse sans voix. Oui, Mayotte n'est pas tout à fait la France, ce qu'avait oublié Bérou, d'ailleurs. Oui. Et même le démographe Hervé Lebras, lui, a parlé de... Bah, si ça pose problème, autant que Mayotte rejoigne les Comores, en fait. Hein. Oui. Enfin, décoloniser complètement... Non, mais je crois que la question qu'on soulève avec Ludovic sur le droit du sol, on est dans le droit fil de l'état de droit et n'est pas intangible. Encore une fois, le droit du sol n'est pas automatique. Si on en croit l'article 21.7 du Code civil, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si à cette date il est en France sa résidence, et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 15 ans. Donc, Darmanin nous raconte des fadaises, c'est pas automatique. Il y a déjà des conditions, mais Darmanin pense que ces conditions sont pas... Voilà, il faut les augmenter. Donc, c'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, apparemment, il y a un droit du sol quasiment automatique, pour l'instant, du moins. Ça peut changer avec Trump, mais... C'est un droit constitutionnel. Hein, c'est ça, voilà. Alors que... Oui, voilà, donc en France, ça reste un droit... Il y a un important recul en Europe aussi, sur le droit du sol.

Alors, la loi de finances, sans surprise, attaque censure la loi de finances pour 2025, avec les moyens qu'elle a, évidemment. La loi de finances que Bérou a fait passer par un 49-3, je ne vous fais pas le dessin. Une loi de finances désastreuse pour la démocratie, pour la répartition des richesses, pour l'action publique et contre les inégalités sociales et le dérèglement climatique. Pour le budget, attaque appelle à dénoncer et à empêcher une nouvelle utilisation du 49-3. Projet de loi finances 2025, et ben des militants d'ATTAC ont eu assez d'humour pour déposer un chèque de 60 milliards, il paraît qu'il est factice, aux membres de la commission mixte paritaire chargée d'examiner le projet de loi de finances. ATTAC à l'Assemblée nationale donc, avec un chèque qui correspond à ce que l'État pourrait percevoir en s'attaquant aux grosses fortunes et aux multinationales, sans parler de l'évasion fiscale. Ces 60 milliards, c'est bien un tract qu'on avait distribué, Didier, je crois. Hein. Absolument. Ouais. Le 8 mars, grève féministe. La traditionnelle journée internationale pour le droit des femmes du 8 mars doit se transformer en grève féministe internationale et en manifestation. C'est le vœu d'ATTAC, signataire d'un appel de syndicats et d'associations qui pousse à cette grève. Bolloré. Ah, Bolloré. Des actions contre l'empire médiatique Bolloré sont prévues aussi par ATTAC et... Bolloré, ses idées nauséabondes, qu'il promeut, ont eu lieu... dans toute la France et sous des formes variées, mais toujours festives du 29 janvier au 2 février. ATTAC combat les fake news, les vérités alternatives et l'idéologie de ces médias d'extrême droite. Banque Centrale Européenne, une lettre ouverte au président de la BCE a été signée par 40 organisations internationales, dont ATTAC, et 20 experts. Elle lui demande une politique financière plus en direct de la transition écologique, tout en contribuant à la stabilité des prix et des finances. En Syrie, l'ATTAC a fait un communiqué pour une Syrie souveraine, démocratique et socialement juste. Enfin, j'ajoute un petit point, l'Union pour la gratuité et le développement des transports tient ses premiers états généraux le 15 et le 16 mars 2025 à Paris. Il s'agira effectivement de réfléchir collectivement au principe de la gratuité et comment on finance la gratuité des transports publics. Didier, tu vas nous parler de la dette à perpète. Du local, donc je commence avec la dette à perpète, donc un ouvrage d'Éric Bocquet, qui a d'ailleurs été réélu maire de Marquilly. On le félicite au passage. Donc il y a eu un débat public le 29 janvier sur la dette, justement, à Roubaix, à l'Ebrerie Combo, et ça a été un succès. Sur le Mercosur, donc les trois attaques de la métropole sont toujours partant pour un débat public sur le Mercosur. En lien avec la Confédération paysanne, bien entendu, notamment avec, on a pensé à Antoine Jean, qui était venu sur cette antenne le mois dernier. Bon, ça aurait lieu à la Mresse, donc avec Antoine. En tout cas, Antoine Jean, militant de la conf, est quand même conscient des répercussions sur le monde paysan et aussi sur le côté scélérat de cet accord de libre-échange. Alors, il y aura un ciné-débat le 6 mars à l'univers de Lille, hein, autour du film Béziers, l'envers du décor, avec, si possible, un invité qui serait un ex-conseiller municipal d'Hénin Beaumont. On est en train de chercher. Oui, et c'est pas facile. Donc, toujours cinéma, festival du film citoyen. Donc, comme tous les ans, le festival se tiendra au cinéma Le Frénois, donc entre Roubaix et Tourcoing. Et on présentera le film Personne n'y comprend rien, de Yann Kergoat, sur les affaires libyennes de Sarkozy. Donc, ce sera le dimanche 23 mars à 19h. À 19h, une séance spéciale pour ATTAC. Et enfin, au Combo, donc les librairies Le Combo qui travaillent beaucoup avec nous en ce moment. Donc, il y aura une conférence d'Olivier Lecourt Grand-Maison sur son livre « Racisme d'État et État raciste ». Donc, librairie de Combo, avenue Jean Lebas, Roubaix. Ça sera le 21 février à 18h30. Avec un titre comme ça, Sophie devrait bien s'y retrouver. Ah, ça lui plairait. À toi. Florent, pardon, non, tousse pas. Voilà, alors oui, agenda militant, donc conférence gesticulée à l'hybride en partenariat avec l'Étincelle. Chaque mois, venez découvrir une nouvelle conférence gesticulée accompagnée d'un court-métrage. Pour rappel, la conférence gesticulée, c'est l'histoire d'une femme ou d'un homme qui monte sur une scène pour porter une parole politique avec son vécu comme fil conducteur. Et donc en février, social, vous avez dit social, pour en finir avec la neutralité de William Tournier. C'est d'abord une petite histoire, celle d'un garçon issu d'une classe sociale névrosée, tiraillé entre plusieurs mondes, et en parallèle une grande histoire, celle de la sociologie, la science qui étudie notre société. La conférence sera précédée du court-métrage « Histoire rouge, acte jaune ». Et donc, ça sera à Libril, 18 rue Gosselet à Lille, le jeudi 20 février, 20h30. Entrée à 4 euros, avec une adhésion à 1 euro pour l'année. Rencontre publique avec le IWW de Montréal. Donc, IWW, c'est pour Industrial Worker of the World, ou Travailleur industriel du monde, qui est un syndicat international fondé aux USA en 1905. Et donc, ça sera au local de la CNT, 32 rue d'Arras à Lille, le dimanche 23 février à 15h. Réunion publique intersyndicale contre le canal Seine-Nord. Donc, je cite le canal Seine-Nord. Nord-Europe, c'est un peu du greenwashing et beaucoup de mensonges socio-économiques. Cette réunion invite les syndicats et tout le monde qui veut venir pour causer et construire un front contre ce chantier. Rendez-vous le vendredi 28 février à 18h à la Bourse du Travail de Lille, 254 boulevard de l'Usine. Et donc, ça sera également le sujet de notre émission du 29 mars. En effet. Comment ? Oui, ouais. Bon. Ce même soir, l'atelier d'histoire critique, la librairie Bigle-Moi et les éditions Météor vous invitent à une rencontre avec Sami Manga, auteur de La Dent de Lumumba. Le 20 juin, donc ça revient sur un événement, le 20 juin 2022, la Belgique remet aux autorités congolaises ce qu'il reste du corps du leader indépendantiste Patrice Emery Lumumba. 61 années après son assassinat par les puissances occidentales, et donc ce sera juste une dent. À partir de cet événement, Sami Manga, poète camerounais, dénonce les atrocités coloniales belges au Congo et critique les discours de réparation actuels. Donc à partir de 19h, le vendredi 28 février, à la librairie Café Le Vigle-Moi, 124 rue Pierre-le-Grand à Lille. Et on termine par un PPP. Tu nous dis ce que ça veut dire ? Presque pas pareil. Donc, je voulais simplement parler d'une interview, enfin, dans le cadre de l'arrêt sur image, une interview de notre ami Guillaume Erner. Donc, je n'ai pas en passé ami, moi, mais bon. De la matinale de France Culture, interviewé par Daniel Schneiderman. Donc, il y a quand même quelques propos qui nous ont interpellés. Notamment, Schneiderman lui reproche de servir les arguments de Tsahal et de Netanyahou quand il interviewe un journaliste palestinien. Bon, Erner a l'air de dire, c'est son angle. Ensuite, quand il parle de l'intronisation de Trump et du signe nazi de Elon Musk, tout ce qu'il trouve à dire, enfin lui... Il n'en avait pas parlé donc, parce qu'il n'était pas inspiré par le sujet. Et en revanche, il a parlé du chapeau de Mme Trump. Et quand Schneiderman l'interroge là-dessus, il lui dit il n'était pas très inspiré sur le sujet, donc n'y voyez pas malice. Et enfin, un truc qui est quand même un peu bizarre, Erner compare dans son livre l'ancienne Ligue communiste où on pouvait quasiment parler en yiddish, tant il y avait de gens d'origine juive, quoi, par rapport à la LFI ou dans la direction de la LFI, pour lui, il n'y a aucun juif. Alors Schneiderman lui dit à juste raison, qu'est-ce que vous en savez ? Parce que on peut très bien s'appeler Dupont et avoir une mère juive. Et, Erner est un peu emmerdé, mais enfin, tout ça, ça contribue à penser quand même que il y a quand même pas mal d'islamophobie et de haine de la gauche radicale autour de ses propos. Voilà, c'était juste une petite... assise. Eh bien, merci, c'était La Presse pas pareil. On va essayer d'en faire une chronique régulière, si on peut. Mais il faut qu'on le fasse quand même. Et donc, prochaine émission le 15 mars. Exactement. Donc, avec comme sujet, France Travail, c'est pas du boulot. Très bien. Voilà. Et donc, vous pouvez rester sur Radio Campus, 106.6 FM. Et à 14h, l'émission Cinéma m'était compté. Fait une rediffusion consacrée au cinéma français des années 70. Voilà. Merci, passez un bon week-end. Merci. Et à bientôt. Au revoir.